Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des suffragettes au MLF, quand les femmes rendent coup pour coup. Au moment d'une bagarre, il y a toujours quelqu'un qui dit « jeu de main, jeu de vilain ». Et puis il y en a un autre qui dit « mais qui a commencé ?» Ici, la question ne se pose pas. Dans l'histoire des femmes, nous savons d'où vient la violence. Elsa Dorlin, bonjour. Bonjour. Dans l'histoire des femmes, nous évoquons la violence, nous pensons au coup de parapluie de la suffragette sur la tête du policier, nous pensons à la prise de jujitsu de la MLF, mais en fait cela n'est rien dans l'histoire de la violence. L'histoire des femmes est une histoire de violence. Oui, une histoire de violence. D'abord, c'est, on peut dire que l'ensemble de ces engagements politiques qui sont des engagements aussi individuels, corporels, musculaires, dans des formes d'autodéfense. C'est pour résister à une violence extrême et pour survivre. Donc on pourrait dire qu'il y a des formes surtout de tactiques de survie qui se sont ensuite peut-être organisées pour devenir des stratégies politiques et aussi une esthétique politique dans le féminisme. De puissance, de revendication, oui, de force et d'autodétermination. Donc, voilà. Elsa Dorlin, vous êtes philosophe, professeure au département de sciences politiques à l'Université Paris 8. Vous avez écrit « Se défendre, une philosophie de la violence ». Et justement, dans ce que vous nous expliquez, il y a évidemment des stratégies individuelles de défense dans l'histoire des femmes face à la violence masculine, qu'elle soit domestique, qu'elle soit sociale. À quel moment imagine-t-on une violence organisée comme une stratégie politique ? Je pense que il y a des. D'abord, si on parle d'un point de vue individuel de résistance, on est plutôt dans ce que Michel de Certeau appelle des tactiques, c'est-à-dire des tactiques corporelles. On est dans cet espace-temps finalement de l'agresseur ou du dominant, et donc on essaie, on tente de survivre par des moyens qui n'ont pas justement le label. De l'autodéfense, voilà, qui ne sont pas entourés de toute une forme de mythologie de la puissance, etc. La façon dont ça va s'organiser ensuite collectivement, je crois que ça soulève une forme de politisation, ou plus exactement même de conscientisation politique, qui passe par des techniques corporelles. Et donc on a beaucoup en fait travaillé et mis en valeur l'importance des groupes de parole et qui sont absolument fondamentaux, c'est-à-dire la parole partagée pour comprendre qu'une expérience individuelle de l'oppression est due à un rapport de pouvoir structurel. Mais je crois qu'on a peut-être sous-déterminé aussi les lieux de rencontres collectives, de partage collectif entre femmes, où c'est aussi une mise en mouvement des corps par le chant, la danse, ou même des ateliers d'autodéfense, et qui constituent aussi une voie par laquelle se construit une forme de conscience politique, c'est-à-dire de sujet politique qui rend possible un « nous » revendicatif. Oui, se défendre et c'est devenir sujet avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire également. Martial Poisson, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé ce très bel ouvrage « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident » publié aux éditions du Seuil. Et au moment de mettre en place un tel ouvrage, c'est vrai qu'il y a une réflexion sur la chronologie, sur le temps à étudier. Alors cette histoire de la violence féminine vous fait remonter jusqu'où ? Cette histoire de la violence féminine nous fait remonter quasiment jusqu'aux origines, à travers notamment le mythe fondateur de l'Amazone, mythe qui n'est que partiellement un mythe, puisque les exhumations de tombes ont montré qu'effectivement il existait des peuples de combattantes dès la plus lointaine antiquité. Et ensuite, cet imaginaire de la femme guerrière, qui est d'ailleurs dès l'origine assez ambigu, hein, puisque l'Amazone, c'est à la fois la guerrière et c'est celle qui, pour le coup d'une façon complètement fantasmatique, se coupe le sein pour pouvoir tirer à l'arc. Hein, donc symboliquement, renonce à un attribut traditionnel de la féminité et de la maternité pour se construire son corps comme un corps de combat. Et puis à travers toute l'histoire longue de ces luttes, cette figure de la combattante va faire retour très régulièrement, d'ailleurs en se réactivant à la source de ce mythe fondateur, puisqu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui des courants féministes qui revendiquent l'héritage de ces antiques Amazones. On a au Moyen-Âge en particulier des chevaleresses, hein, des femmes dont une est devenue particulièrement célèbre, mais pas forcément pour de bonnes raisons. C'est Jeanne d'Arc, évidemment, hein, qui fait partie de notre récit national, comme on peut le dire, mais qui finalement a contribué aussi à occulter toute une proportion non négligeable de combattantes, pour une grande partie d'ailleurs issues de milieux populaires, et qui ont pris fait et cause. Alors ça peut être pour Dieu, ce qui était le cas de Jeanne d'Arc, ça peut être pour un roi, ça peut être pour différentes causes, et puis de façon plus souterraine et largement minorée, comme le disait notre invité, des femmes qui ont, de façon de plus en plus active dans l'histoire, combattu pour leurs propres droits. Et c'est un paradoxe intéressant d'ailleurs que de voir que c'est dans des moments d'intense combativité, d'intense mobilisation en armes, que les femmes ont acquis des droits aussi fondamentaux que, par exemple, au début du XXe siècle en Angleterre, le droit de vote. Oui, parce que là, nous avons dans cette lecture des combattantes une histoire de la violence féminine, la femme combattante, mais pour une cause, et souvent d'ailleurs similaire à l'homme, nous pensons à Jeanne d'Arc, et puis il y a la volonté de combattre, de s'organiser pour défendre cette cause, mais cette cause qui est celle des femmes, avec le moment majeur qui correspond à la mise en place de l'utilisation de la violence pour le combat politique. Allons voir les suffragettes. Le Premier ministre, Monsieur Asquith, a accepté d'entendre des témoignages d'ouvrières qui viendront de toute la Grande-Bretagne. C'est l'occasion de prouver que si la femme est l'égale de l'homme lorsqu'elle travaille, elle doit aussi devenir son égale en matière de droit de vote. T'as jamais bossé de ta vie. C'est le moment ou jamais de vous exprimer. Je choisirai une personne de cette blanchisserie pour aller témoigner aux communes. Les témoignages seront entendus par le ministre des Finances, Monsieur Lloyd George. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, Madame Coleman. Alors fermez c'est votre là. Clapet, d'accord? Bien fait pour elle. Oh, voilà, voilà. Bravo. Bravo. Merci de votre soutien. Le droit de vote pour les femmes. Mesdames, le droit de vote pour les femmes. Le pouvoir est entre vos mains. Merci, madame. Arrêtez, rentrez chez vous. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de témoigner? Monsieur Taylor est un bon patron. Tu parles pour toi? T'es injuste de dire ça. J'ai des yeux pour voir ce qui se passe. C'est toujours aussi dur pour nous, les femmes. Faut se battre comme on peut, tant pis pour les moyens. Ah oui? Comme casser des vitrines? C'est pas respectable. Au diable, ce qui est respectable. Si on veut que je respecte la loi, faut que la loi soit respectable. Au moins, c'est clair dans le film Suffragette de Sarah Gavron en 2015. Martial Poisson, justement, c'est Suffragette, moment majeur de la prise de conscience qu'une voie est possible, mais qui passe par la violence pour obtenir des droits. Oui, alors on va dire que c'est un moment de visibilité particulière dans l'histoire, mais c'est peut-être pas le premier moment. On pense en particulier déjà au mouvement pendant la Révolution française des citoyennes révolutionnaires, celles qu'on a appelées les tricoteuses et qui sont allées à de multiples reprises à l'Assemblée nationale constituante pour revendiquer le droit du port des armes. On pense aussi sous la commune insurrectionnelle de Paris, aux barricadières, qu'on a appelées ensuite les pétroleuses, hein, qui là aussi ont participé activement à la défense du peuple de Paris. Mais il est vrai que ce qu'il y a de spécifique dans le mouvement des suffragettes, c'est une conscience politique nouvelle de l'impasse que représentait ce qu'on pourrait appeler la voie parlementaire ou la voie démocratique, à savoir la pétition, celle qu'on a appelée les pétitionnettes, le suffragisme de façon générale, c'est-à-dire l'utilisation d'un répertoire d'actions qui reste conforme finalement au jeu des institutions et qui est un échec politique pour les femmes. Donc autour de 1905, le mouvement suffragiste devient celui des suffragettes, qui est d'abord péjoratif, hein, comme très souvent d'ailleurs des termes qui sont associés à des groupes de femmes en lutte sont des termes qui sont destinés à les dénigrer et qui sont repris ensuite par une forme de retournement de stigmate comme un élément de fierté. Ces femmes qu'on appelle aussi les terroristes, c'est la première à ma connaissance occurrence du mot terroriste appliqué non pas à l'État révolutionnaire par exemple, mais à la société civile. Et ce terme qui est utilisé par la presse réactionnaire britannique pour essayer d'éteindre le mouvement et de mobiliser l'opinion publique contre ces femmes qui dérogent aux assignations de genre, hein. En gros, ce qu'on voit très bien dans l'extrait du film, c'est pas bien séant d'aller faire valoir ses droits, c'est pas bien séant de défiler dans la rue, d'investir l'espace public. Et tout à coup, ce mouvement se retourne, en fait, et devient l'élément d'une revendication forte. Et ces femmes, donc ces suffragettes, elles comprennent deux choses. D'une part, que la violence est la forme de l'efficacité politique de la lutte, et que d'autre part, la violence va aussi permettre de rendre visible une violence qui est une violence sourde, souterraine, qui s'exprime la plupart du temps dans l'espace domestique. Il y a une très belle scène dans ce film où on voit le ministre de l'Intérieur qui dit à la police renvoyer ces femmes chez elles, leurs maris feront ce qu'il faut. Hein, donc il y a une sorte de relation de solidarité organique entre l'État répressif et le pouvoir, l'autorité du père de famille et du mari, qui effectivement, dans le film, va bannir sa femme, la priver de ses enfants, etc., etc. Donc on a une sorte de connivence d'intérêt masculin pour la défense de ce patriarcat qui est mise à mal par ces femmes dont l'attitude politique consiste à revendiquer une forme d'inconvenance, selon le terme de l'époque. Hein. Solidarité masculine, évidemment, Martial Poisson, vous avez évoqué ce vocabulaire extrêmement péjoratif, effectivement, les tripoteuses, les pétroleuses et même les suffragettes. Avec cette question du choix de la violence, Elsa Dorlin, la violence, il faut bien en chercher l'origine, mais l'origine de la violence doit être trouvée chez l'agresseur lui-même. Oui, c'est pour ça que parler ici de violence, en fait, me semble quand même à discuter, puisque en ce qui concerne l'union sociale et politique des femmes et l'action, on va dire le passage plus exactement à l'action directe, comme une stratégie politique, qui sera le cas à partir de 1903, donc pour les féministes anglaises et en faveur non pas tellement d'ailleurs d'une revendication de droits sociaux et politiques, mais pour prendre ces droits dont on analyse bien qu'ils ont été ou qu'ils sont illégitimement supprimés ou interdits aux femmes. Et donc la question du choix de l'action directe, donc terme là en l'occurrence que je trouve plus adapté que celui du passage à la violence, c'est une façon de critiquer une violence structurelle, mais aussi de critiquer et de cibler une complaisance, voire une complicité de l'État qui serait à la fois cet interlocuteur vis-à-vis duquel on devrait s'adresser pour revendiquer un droit, et qui en même temps est l'instance qui organise la privation de ce droit et donc laisse les femmes dans des situations d'asymétrie et d'inégalité et de domination, de dépendance vis-à-vis de leur mari, de leur père, mais aussi des patrons et de l'institution et des institutions politiques. Donc c'est cette question de l'action directe en fait me semble fondamentale parce que elle restitue l'idée que on a ensuite tout un imaginaire de femmes passant à l'action directe en jetant des marteaux dans les vitrines, en vandalisant des villas ou des banques, etc., ou même des monuments publics. On voit bien ici qu'il y a une forme de rhétorique, c'est-à-dire d'accuser ces femmes de violence ou de terrorisme. C'est aussi parce qu'elles dérogent et puis elles minent finalement toute la construction sociale d'une norme dominante de féminité qui devrait être passive, docile et demander poliment d'accéder à une égalité qui est pourtant énoncé de façon principielle. Et d'utiliser le mot violence nous conduit dans un champ très particulier, celui du vocabulaire pénal. La violence est condamnable. Donc parler de la violence des femmes, Elsa Dorlin, est tout de suite lourd de sens. Nous les condamnons avec tous ces éléments qui doivent se rajouter d'un imaginaire social qui pousse à dire que la femme est hystérique, qui est quelque chose qui vient du 19e siècle et qui est encore présent aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi toute cette idée peut-être de la promotion de quelques figures exceptionnelles de femmes puissantes ou d'une forme de référence à un mythe, notamment par rapport aux Amazones, mais qui restreint en fait cette question de la puissance féminine à des formes d'exception. Et à des formes d'exception à la fois historiques, mais aussi à des formes de représentation qui ne peuvent être qu'allégoriques. Par exemple, on voit bien qu'il y a toute une allégorie de la Révolution ou toute une allégorie même de la République, de la justice, etc., que l'on peut constater dans la statuaire, dans la peinture, qui montre effectivement des femmes incarnant la République et qui sont des femmes puissantes. Mais cette forme d'allégorisation ou le fait de rendre exceptionnelles en fait ces figures, c'est pour maintenir une norme de l'impuissance féminine ou en tout cas de la passivité et de la docilité, c'est-à-dire qui permet aussi de créer un interdit sur le passage à l'action directe, à l'autodéfense, voire effectivement à la violence des femmes. Et puis ces figures qui portent ce combat, cette action directe, deviennent des personnages dont le destin nous étonne par la réflexion et par les choix. Notamment, Martial Poisson, il y a cette figure d'Edith Garrud. Qui est-elle ? Alors Edith Garrud, c'est une figure intéressante puisqu'effectivement elle participe à une forme de structuration de ce qui deviendra effectivement l'autodéfense féministe en fait. Hein. Elle a très bien compris que ces femmes qui vont investir un espace public qui leur est plus que jamais interdit, avec une fenêtre qui se referme encore plus peut-être que par le passé, vont avoir besoin d'un registre d'action qui est à la fois un registre offensif avec toute une théâtralisation de ces grandes manifestations dont on a des archives tout à fait passionnante, et en même temps donc une forme de, enfin la création d'un service d'ordre. Donc elle est à l'origine d'un club de défense féminin qui va utiliser les arts martiaux, qui va utiliser en particulier le jujitsu pour pouvoir permettre aux femmes notamment de se tirer de situations de confrontation violente avec la police qui par ailleurs reçoit des consignes répressives très très très très brutales, hein, avec quelqu'un dont on a peut-être oublié le début politique, qui est notamment Churchill, qui est à la manœuvre sur la répression de ces femmes, entre parenthèses. Et à partir de là, elle va organiser une sorte de garde rapprochée, hein, les fameux bodyguards, une trentaine de femmes qui vont devoir assurer la sécurité de ces femmes dans des mouvements qui sont quand même des mouvements interclassistes. On a des femmes de toutes les classes sociales, et c'est quand même assez rare d'ailleurs dans l'histoire d'avoir cette espèce de communauté d'intérêt qui va dépasser les barrières de classe et qui va s'opposer à une forme de domination qui relève, comme ça a été dit tout à l'heure, aussi d'enjeux économiques majeurs, hein, la figure du patron étant une sorte de doublet symbolique de la figure du père de famille. Et donc elle va participer à la structuration de cette forme de système d'autodéfense à une époque où, alors c'est pas la première fois, on a notamment la trace dans les archives de manuels d'autodéfense qui sont antérieurs, hein, qui commencent à partir des années 1880 en Angleterre, aux États-Unis aussi, mais avec une ambiguïté fondamentale, c'est que on sait pas très bien si la pratique de ces arts martiaux par les femmes relève plutôt d'une hygiène de vie, le culte du corps athlétique qui commence à ce moment-là, et donc il y a une forme de retour finalement à un stéréotype très classique. On ne sait pas si on est dans une forme d'appel à la sécurité qui passe notamment par des messages de non-agression. Hein, donc on a des manuels qui sont plutôt des manuels de conduite d'évitement, et puis on a des manuels authentiquement d'autodéfense qui apparaissent à cette époque-là et qui sont vraiment des codes de combat en fait. De combat en particulier au corps à corps, et qui passe notamment par le détournement des attributs traditionnels de la féminité. Une broche peut devenir un outil de combat, un parapluie, vous l'évoquiez, peut devenir une arme de défense. On a un certain nombre de consignes qui sont données, qui seront ensuite reprises d'ailleurs par la caricature politique très très violente en Angleterre, hein, comme le fait de couper les bretelles du pantalon des policiers. C'est malin. Voilà, donc on voit qu'il y a une sorte d'humiliation symbolique en fait possible qui participe aussi à une façon de désarmer l'agresseur. Et tout ça est très rapidement repris dans une presse satirique qui va présenter, vous l'évoquiez, ces femmes comme des harpies. Et c'est un peu le paradoxe, puisqu'on est en train de construire un répertoire d'actions fondé justement sur la riposte graduée, fondé sur des gestes extrêmement techniques, extrêmement codifiés, et qui va puiser dans des formes d'arts martiaux traditionnellement réservés aux hommes, hein, et notamment dans le Japon des origines, où là, pour le coup, il n'y a absolument aucune présence féminine dans ces clubs. Et en même temps, donc, cette violence, elle est présentée comme désordonnée, parce que féminine, et donc potentiellement ou possiblement hystérique. Avec ce choix de participer à l'action, mais l'action directe et l'action jugée violente par les hommes, nous nous trouvons avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1910. Moment intéressant aussi, celui de la Première Guerre mondiale, pour le combat des femmes. Les femmes anglaises ont été très critiquées pour avoir eu recours à la force dans leur lutte pour le suffrage. Ces critiques, apparemment, ne s'appliquent pas à la force utilisée dans la guerre européenne. Le vote a en effet été donné aux femmes anglaises, en grande partie en raison de l'aide qu'elles ont apportée aux hommes anglais dans leur utilisation de la force dans cette guerre. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Daniel Königsberg a lisé un extrait de Trois Guinées, un ouvrage de Virginia Woolf en 1938. Elsa Dorlin. Alors, il y a ce moment de la guerre, la participation à cette violence, cette fois légitime, la guerre voulue, l'importance des femmes. Mais dans cette longue histoire, c'est une histoire du corps qui est permanente, l'histoire du corps dominé, l'histoire du corps qui se défend. La violence aussi, en tout cas le choix de l'action, s'explique par le corps. Oui, c'était justement comme ça que j'avais appréhendé à la fois l'autodéfense féministe dans son histoire à partir des suffragistes sur des techniques corporelles et des techniques martiales et sur une forme de finalement de généalogie presque musculaire de l'engagement politique et de l'acquisition de techniques de combat au corps à corps qui sont des techniques en fait non seulement d'évitement mais aussi de défense au moment où la vie est menacée, ou l'intégrité corporelle, et en l'occurrence la défense contre le viol. C'est très intéressant de voir par rapport à justement Edith Garoud que lorsque les suffragistes anglaises mettent en place en fait des ateliers d'autodéfense et de jiu-jitsu pour effectivement se défendre contre la brutalisation policière, ces ateliers sont aussi qui ont lieu deux fois par semaine, sont aussi destinés à l'ensemble, finalement, des femmes engagées dans le mouvement, des militantes, et servent à transmettre à ces femmes ou à partager entre femmes des techniques corporelles, de défense contre le viol, contre les coups, contre vraiment une violence domestique directe. Donc c'est cette question-là, en fait, cette forme d'entrelacement entre le personnel et le politique, justement, qui est très intéressant dans l'histoire de ces techniques corporelles. Et on voit bien que, en fait, il y a toute une histoire, finalement, souterraine du féminisme, notamment au XXe siècle, où une partie de courants, de mouvements, vont mettre en place des ateliers d'autodéfense qui sont à la fois, au fond, transmettre ou partager des techniques, comment on a fait pour s'en sortir, comment on peut faire pour s'en sortir. Donc ce sont aussi des ruses martiales mais aussi finalement à travers la mise en mouvement de ce corps, à travers l'exercice et le partage, c'est toute une forme de conscience de soi en fait qui émerge et qui sont des formes, on pourrait dire, de devenir sujet en fait, où on se des muscles se réaniment, des muscles, enfin un autre schéma corporel de soi-même se constitue. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est que au-delà de l'efficacité du coup ou dans l'immédiateté d'une situation où on a besoin de se défendre, il y a aussi dans toute cette idée d'un féminisme qui met en place des formes d'assaise, d'exercice de soi, de mise en mouvement des corps, la création d'une autre norme de féminité, d'un autre schéma corporel de soi et qui participe d'une émancipation, d'une libération des femmes. Oui, et une histoire qui s'écrit sur ce temps long. Nous évoquions les mouvements des suffragettes au début du XXe siècle, enfin qui commence déjà au XIXe, mais avec dans les années 1910 l'idée qu'il faut se défendre, les bodyguards. Et puis cette construction peu à peu d'un individu avec le regard porté par les hommes sur les femmes. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Elles veulent faire... Il n'y a pas un peu de racisme là-dedans. Où est le racisme ? Où est le racisme ? Qui a ségrégué les femmes ? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit ? Pourquoi est-ce que les hommes peuvent flâner à toutes les heures de la nuit ? Qui commet les viols ? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes ? J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise. Parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je crois que c'est très important à dire, parce que je le ressens moi-même là en ce moment, et que je trouve que, étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente, et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi. De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes, et qui n'est pas sympathique, et ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Sublime réponse de Delphique Seyrig, sublime comédienne aussi, qui s'exprimait en 1972 avec le risque qu'encourt toute femme dans la rue, qui est un discours qui pouvait être tenu par le passé, en 1972 en l'occurrence, et sans doute encore aujourd'hui. Nous entendions Elsa Dorlin nous expliquer combien le corps est mis en œuvre de mettre en place ces ruses martiales, a dit Elsa Dorlin. Bah écoutez, Martial Poisson, justement, dans cette longue histoire des combattantes que vous écrivez, il y a en fait plusieurs histoires. Il n'y a pas juste cette ligne de l'histoire des femmes. Il y a cette histoire sociale, l'histoire de la prise en compte de l'individu et du mouvement féministe. Mais tout se croise, et même l'histoire sociale. Oui, absolument. Et je crois que l'extrait qui était choisi à l'instant montre bien le caractère absolument insupportable pour une masculinité multiséculaire qui s'était construite autour de la question de la résignation, non pas le consentement d'ailleurs, mais la résignation des femmes à finalement cette privation de l'espace public, à ces règles qui sont pas les mêmes selon le genre, à ces assignations de genre. Et tout à coup, donc la question de ces figures offensives qui apparaissent de façon très régulière dans l'histoire et qui sont d'ailleurs très régulièrement invisibilisés. C'est intéressant de voir que au moment où on fait l'histoire des femmes, à partir des années 60, la question de ces femmes combattantes, elle est assez systématiquement laissé de côté, considéré comme un sujet un peu embarrassant. Il est évidemment beaucoup plus facile de faire la réhabilitation des salonnières, des femmes de lettres, des grandes figures intellectuelles, qui sont en fait des figures consensuelles, y compris en partie, en tout cas à leur époque, et qui, même si elles ont pu parfois critiquer, comme Olympe de Gouges, le colonialisme, ce qu'on appelle pas encore le féminisme, etc., sont quand même des figures qui sont intégrées finalement à l'univers mental de l'époque. La figure de la combattante, de la guerrière, de la militante qui passe par l'action directe, elle est une figure qui dérange parce que d'abord, elle fait intrusion, le terme est évidemment entre beaucoup de guillemets, dans l'espace public, et parce qu'ensuite, elle remet en question toute la façon dont s'est structuré l'imaginaire symbolique, finalement, de la femme, qui, paradoxalement, est à la fois cette figure de la maternité qui trouve ses origines notamment dans la Sainte Vierge, une espèce de figure totalement passivisée, et par moments également dans l'allégorie politique, on est entouré, les symboles de la République sont une succession de femmes en armes, mais elles ne peuvent être en armes que justement en accédant à cette dimension symbolique. Il y a une sorte de compensation entre cette dimension symbolique et la réalité de la situation matérielle et de l'espace qui leur est laissé. Donc ces femmes violentes, elles contreviennent à l'imaginaire genré, elles renversent les stigmates dont elles font l'objet, elles font la démonstration du caractère émancipateur finalement de ce contrôle du corps, de cette discipline corporelle, discipline quasiment militaire en fait, hein, d'une certaine façon, de l'adoption de ces codes guerriers, voire de la possibilité, c'était tout l'enjeu de ces pétitions sous la Révolution française, de pouvoir sortir en armes finalement, et donc à la fois se défendre et aussi défendre, en l'occurrence à ce moment-là, la République en danger, faire un acte de combat qui dépasse justement. Et donc il y a une intrication entre l'intime, le social, le politique, et une sorte d'effet boomerang qui montre que à chaque fois que les femmes sont dans ces moments d'émancipation finalement, et de participation collective à une action qui justement n'est pas celles de figures hyper individualisées, ben elles font l'objet d'un contre-discours. Et c'est le cas notamment dans les années 70, où va naître ce mythe de l'inversion des genres, ce mythe de l'émancipation des femmes comme renversement de tout ordre social possible, et la figure de l'homme victimisé, qu'on trouve d'ailleurs déjà dans la caricature politique contre les suffragettes. On voit ces hommes qui sont tout à coup malmenés, puisque donc à partir du moment où une femme est émancipée, son mari ne peut être que maltraité. Hein, évidemment, c'est un des raccourcis rhétoriques par lesquels se construit un antiféminisme qui est récurrent dans l'histoire et qui, d'une certaine façon, s'appuie sur ces moments d'exacerbation des tensions sociale entre avec les femmes pour pouvoir tenir un discours qui finalement est assez auto-renforcé, complètement tautologique. Oui, parce que nous voyons bien ce procédé rhétorique où une femme victime de violence répond violemment et où on lui dit « mais ne perdez pas vos nerfs ». C'est un jeu complet qui, dans les années 1970, se double de ce mouvement autre. Elsa Dorlin, la lutte que poursuivent ces femmes pour le féminisme, profite d'autres luttes. Hein. Vous êtes l'auteur de Se défendre, une philosophie de la violence. Bien sûr, il y a le combat des femmes, mais il y a d'autres luttes. Ces luttes vont de pair, d'autres minorités aussi. Oui, complètement. Enfin, la question est intéressante là sur la perception des femmes violentes comme l'idée du désordre sexuel, de l'inversion des rôles de sexe et du chaos au fond. Et c'est très, enfin c'est une représentation très ancienne, l'utilisation de cette rhétorique de l'inversion des sexes, ou le fait que les femmes se défendent et accèdent finalement à des valeurs ou les oripeaux de la masculinité, c'est l'annonce du désordre politique absolu, mais c'est aussi un motif récurrent dans l'anthropologie du 19e siècle et sur l'appréhension en fait de l'existence de plusieurs races, mais évidemment de leur hiérarchie, puisque l'idée des races inférieures était aussi appréhendée comme des races où il y aurait une indistinction sexuelle, voire une inversion en fait des caractères de sexe, alors que l'idée d'une race blanche supérieure serait marquée par une très grande distinction et complémentarité des sexes. Donc il y a vraiment aussi cette pour le coup cette imbrication entre les hiérarchies de genre et le racisme et le colonialisme. Et il se trouve que sur cette question de la violence, dans les mouvements antiracistes et en lutte contre le colonialisme, là aussi, l'accusation de finalement l'inversion de la cause de la violence, les peuples dominés, colonisés, sont toujours considérés comme étant violent, barbare, sauvage, etc. Et donc justifie et légitime une forme de violence répressive sans limite. Ce qui permet de comprendre aussi que dans une histoire politique et intellectuelle des mouvements noirs, africains-américains, caribéens, afro-descendants, il y a eu une très grande pensée, une très grande théorisation de l'autodéfense qui a essayé de démontrer qu'en fait la question du recours à la violence, et on en parlait tout à l'heure, n'est pas seulement pour accéder à l'espace public ou avoir des droits ou modifier les représentations et normes sociales. Le recours à l'autodéfense est le seul moyen qui demeure pour survivre à la violence ou pour survivre notamment au viol et au lynchage. Donc cette pensée de l'autodéfense, c'est une critique féroce en fait de la violence structurelle des rapports de pouvoir. Et il faut savoir aussi que ce sont des philosophies de la vie au fond, de vie qui ne se soumettent pas, qui tentent d'advenir malgré un dispositif extrêmement mortifère. Et on le retrouve et dans les mouvements radicaux féministes, et dans les mouvements effectivement antiracistes ou de lutte pour l'émancipation dans des contextes coloniaux ou post-coloniaux. Quand les femmes rendent coup pour coup des suffragettes au MLF. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers de France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'hymne des femmes en 1975, avec dans l'évocation de cet hymne des femmes, ces chaînes, ces esclaves. Hein. Martial Poisson, dans ces années 1960-1970, le combat passe aussi toujours par l'autodéfense. Ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est la sécurité. Comment l'on cherche la sûreté, la sécurité. Cette action directe des femmes, c'est la sécurité du corps face à l'agression, face aux violeurs. C'est aussi la sécurité sociale pour atteindre des droits. Il faut lire comme ça aussi cette volonté de combattre. Oui, absolument. C'est-à-dire que la violence des femmes, contrairement aux préjugés ténaces sur lesquels on tourne un petit peu depuis tout à l'heure et qui en fait est un paradoxe puisqu'il contribue à prétendre comme une donnée de nature de la femme cette violence qu'elle construit politiquement et de façon difficultueuse à travers l'histoire. En tout cas, ces moments d'exacerbation de tension et de recours à l'action directe correspondent systématiquement à un objectif en fait d'atteinte de droits, de conquête de droits. Et ce qui est très intéressant dans les années 70 et notamment à travers le MLF, c'est à la fois la perpétuation de cette position qu'on retrouve dans le fameux slogan « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Donc là, on voit qu'il y a une agentivité, en fait, une capacité autonome d'action et d'émancipation par soi-même. En fait, on passe de corps dominé, contraint, assujetti et d'une sorte d'autorité déléguée à une autorité spontanée, en fait, qui est celle du sujet. Et en même temps, donc, des revendications qui portent sur la question de l'intimité, sur la question du droit de choisir ou non d'être mère, le débat autour de l'avortement et de la contraception, la question du plaisir féminin, la question l'égalité de traitement dans l'activité, donc l'égalité de salaire, la question de la représentation politique aussi, puisque le droit des femmes en France s'est acquis de façon tardive, c'est quasiment un des derniers pays d'Europe, en 1944, encore un bénéfice indirect finalement de la guerre, comme en Angleterre en 18 finalement, mais tout à coup donc la question se déporte de la question du droit de vote, c'est-à-dire participer au destin de la cité, à la question de pouvoir le représenter et donc se présenter à une élection, être en capacité finalement de représenter une cause publiquement. Et donc là, c'est plus simplement l'espace de la rue, c'est l'espace de la représentation politique en démocratie qui est posée. Et tout ça est intimement lié et passe encore et toujours par la question de cette figure offensive, par la question de cette capacité à être reconnue, dans la dimension politique de ce geste. Avec la question de l'efficacité, Martial Poisson, vous avez évoqué à l'instant le fait que le droit de vote est obtenu après la Première Guerre mondiale. Il y a cette question de l'Angleterre, cette question de la France, Seconde Guerre mondiale, qui permet le droit de vote. Mais est-ce l'action qui le permet, au sens où le choix de répondre par une forme de violence rend le combat inefficace? C'est vrai qu'il y a toujours cette question de dire que agir par violence, c'est aussi se détruire soi-même, faire le choix de son ennemi. Oui, alors c'est un débat, y compris d'ailleurs à l'intérieur des courants féministes à partir des années 70 finalement. Ce recours à la violence, il peut être perçu comme la seule issue face à des siècles de patriarcat et de fossilisation finalement d'un ordre social fondé sur la domination masculine, ou il peut être perçu comme une stratégie politique donc d'affirmation, mais il peut être aussi perçu, et c'est un peu d'ailleurs tout le drame, ce qu'on entendait dans l'extrait de tout à l'heure finalement, comme une façon de desservir la cause. Et on a l'apparition, y compris parmi certains groupes féministes, et notamment un courant qu'on a pu qualifier philosophiquement de féminisme à vocation universaliste, hein, c'est-à-dire les hommes et les femmes c'est la même chose, doivent être traités de la même façon parce que ontologiquement c'est la même chose, à un féminisme différentialiste en fait, qui considère que justement la question de la situation dans le corps social, elle n'est pas de même nature, et que le conditionnement, finalement le déterminisme social impose une voie propre qui peut être celle donc de ce combat politique par des actions d'éclat, qui peut être une voie plus conforme au jeu démocratique. Mais voilà, et donc ça devient en fait, cette question de la violence féminine, elle devient un sujet clivant. Et ce clivage, eh bien je crois qu'on est vraiment aujourd'hui même, en fait, dans la séquence historique que nous traversions actuellement, et même si on manque de recul, on voit bien que c'est devenu vraiment la question. Et notamment dans, la dernière forme actuelle prise par ce que j'appellerais donc ces figures offensives, les fémènes. Ce sont ces femmes donc qui considèrent que face à l'érotisation du corps féminin, face à la pornographie généralisée de nos sociétés, eh bien finalement il faut travestir les codes en fait, et être soi-même à l'origine de la façon dont on veut représenter son corps en société et en public en fait. Donc ce qui est une façon de rejouer finalement la stratégie suffragette de mise en visibilité. Finalement, c'est la seule façon dont on peut se voir. On se dénude en public, et à partir de ce moment-là, on crée un électrochoc en fait, et on crée un contre-discours réactionnaire, traditionnaliste, conservateur, qui devient apparent, qui était plutôt dans l'inconscient social, et qui du coup est obligé de s'exprimer et de prendre la parole. Et ça, on voit bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement mal considéré par toute une partie du courant féministe, qui considère que on est passé d'une aliénation subie à une sorte d'auto-aliénation. Maintenant, on n'a même plus besoin de nous demander de nous dénuder, on se dénude soi-même. Donc on voit bien qu'il y a vraiment là quelque chose qui traverse la séquence actuelle qu'on est en train de vivre, et qui porte encore et toujours finalement sur la question du bon comportement à avoir en société, à la fois pour être efficace politiquement et pour être efficace dans le champ des représentations. L'autodéfense pour être efficace politiquement au moment de la manifestation, pour échapper aux policiers, l'autodéfense aussi pour se protéger soi-même dans le cadre intime ou dans la rue. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une femme soit agressée sans pouvoir opposer la moindre résistance. Et pourtant, il existe des armes défensives ou d'alarme capables de désarmer ou de mettre en fuite l'agresseur, comme nous l'explique un armurier. Oui, ces armes d'ailleurs sont de deux types. Le premier type est l'arme qui agit sur la psychologie de l'agresseur éventuel du fait de leur ressemblance avec une arme réelle. Il s'agit soit du pistolet, soit du revolver d'alarme. Ces pistolets ou ces revolvers sont susceptibles de tirer deux sortes de munitions. Soit la munition détonante, qui agit par son bruit. Oui, vous pouvez nous faire un exemple. Je peux vous donner un exemple. Le voici, voyez-vous. Voilà, un bruit qui est quand même suffisamment important. Il y a un deuxième type d'arme. Cette arme, qui est simplement une petite bombe, contient du gaz lacrymogène qui peut être projeté par jets successifs, et ce qui est très intéressant et important, c'est qu'il n'y a aucune suite physiologique. Par conséquent, responsabilité civile, nulle. Voilà, en 1965, le journal de la nuit de l'ORTF expliquait que tous les problèmes étaient réglés grâce à des pistolets qui font pan-pan. Elsa Dorlin, justement aujourd'hui, nous avons un moment très particulier où il y a une prise de conscience de l'ampleur des féminicides. Alors que le nombre de femmes tuées est sans doute moindre ou peut-être à l'identique que par le passé. C'est la prise de conscience qui est essentielle. Tout ce travail fait dont nous parlons depuis le début de l'émission montre que malgré tout, malgré ces pistolets qui font pan-pan, malgré cette réflexion sur l'autodéfense, les femmes restent sans défense. Non, les femmes ne restent pas sans défense puisqu'elles sont, elles mettent en place quotidiennement, individuellement et massivement des tonnes de ressources, d'énergie, de moyens et de techniques pour se défendre et pour résister, tenir debout malgré tout chaque jour. Donc là-dessus, je pense qu'il faut. Enfin, cette figure là des femmes sans défense, elle est problématique parce que elle laisse la question des violences faites aux femmes, des violences, de ce terrorisme patriarcal qui tue et du viol qui constitue une sorte de d'armes, je dirais, sourdes, mais cette idée. C'est une idée à démonter, et il faut le répéter sans cesse par les différents moyens d'action que nous avons pu évoquer depuis les suffragettes. C'est aussi, vous comprenez bien que là, il y a aussi des formes de distorsion dans les discours et dans les actions des institutions politiques. C'est-à-dire, on ne peut pas. Cette politisation de la violence faite aux femmes, cette politisation et cette mobilisation pour que cessent les féminicides, pour que cessent, que les hommes cessent de violer, à laquelle on assiste depuis ces dernières années, c'est une politisation qui là aujourd'hui est très puissante, mais qui est là depuis des décennies et des siècles. C'est de la même façon que c'est pas la Seconde Guerre mondiale qui donne le droit de vote aux femmes, c'est les décennies antérieures de mobilisation des femmes. Donc là, c'est la même chose. On est dans une période où il y a cette vague très, très puissante. Mais on voit bien aussi que la résistance des institutions politiques, elle est éminemment puissante, puisque le problème n'est pas une question de représentation ou de sexisme résiduel. Le problème n'est pas une question de normes, comme si les normes existaient comme ça, flottant dans la société. Le problème est une question d'institution et de volonté politique aussi sur la mise en place d'une véritable prévention des violences faites aux femmes, donc qui passe par une éducation sexuelle digne de ce nom, par toute une série d'investissements budgétaires dans des institutions pour les femmes victimes, mais aussi plus largement d'institutions de santé et de solidarité par rapport à la question de la garde des enfants, la mise en place effective d'une égalité des salaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une galaxie, un méandre en fait d'inégalités sociales, politiques et éducatives qui demeurent et qui constituent en fait les conditions de possibilité de cette violence faite aux femmes qui se perpétue et à laquelle en fait on tente de résister encore une fois même en France mais bien plus globalement aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi aujourd'hui on assiste au sein des mouvements féministes, à une forme de recentrement, non pas sur la question universaliste, différentialiste, mais de recentrement sur une analyse construite contre finalement le mode de production capitaliste, contre les États aussi, qui malgré en fait des discours ou des grands plans nationaux de prévention des violences faites aux femmes, finalement organisent leur propre échec à faire cesser cette violence. Faire cesser la violence, excusez-moi Elsa Dorlin, c'est vrai que c'est une affaire qui concerne plusieurs histoires, nous l'avons entendu. Elle est celle des représentations, celle de la politique, celle du social. En tout cas, c'est une histoire passionnante. Merci de nous en avoir parlé, Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence. Et merci Martial Poisson, votre ouvrage que vous avez dirigé, Combattante, aux éditions du Seuil. Nous retrouvons Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le visage d'Alexandre le Grand, histoire d'une déception. La postérité d'Alexandre le Grand, c'est une histoire à succès millénaire. Le conquérant qui a repoussé les frontières du monde antique, dont on a fait des romans au Moyen-Âge, que les têtes couronnées aimaient placer de manière tout à fait fallacieuse dans leur généalogie qu'elles voulaient merveilleuse, est réapparu soudain un jour de l'année 1779. Il était là, clairement identifié à Tivoli en Italie et découvert par le chevalier Joseph Nicolas d'Azzara. Un buste d'Alexandre le Grand dont on n'avait pas de représentation d'époque jusque-là. 68 cm de marbre qui aurait pu combler toutes les attentes autour du physique forcément avantageux de ce roi de Macédoine qui déchaîne encore les passions lorsqu'on voit les récentes querelles entre Grecs et Macédoniens sur l'appropriation de son ADN que l'on essayait encore de pister presque 2500 ans après sa mort. Oh, we can be heroes, just for one. Ce héros antique, divinisé, avait désormais un visage. Mais la découverte tourne à la cuisante déception et à une confusion certaine. C'est le récit que nous livre le spécialiste du monde grec, Hervé Duchesne, dans la rubrique « Décryptage d'images » du magazine L'Histoire. Pas facile de rivaliser avec les fantasmes démesurés construits au fil des siècles. On émet des réserves lorsque la nouvelle et des reproductions circulent. À la fin du XIXe siècle, l'archéologue du Louvre, Wilhelm Fröner, déclare que c'est un faux. Et en 1931, un des nombreux biographes d'Alexandre, Georges Radet, ne retient pas son hostilité devant ce portrait sculpté, lugubre et avachi. Une transformation du nouvel Achille en chevalier à la triste figure. Fin de citation. Il est pourtant pas mal cet Alexandre avec sa couronne de cheveux héroïque et son air un brin mélancolique. Mais il faut l'admettre, ça n'est pas l'esprit brillant et conquérant qu'on lui prête sans cesse qui frappe au premier ni au regard suivant. L'imaginaire d'Alexandre est contrarié d'autant plus lorsqu'en 1831, on retrouve une mosaïque à Pompéi dans la maison du Faune qui le représente combattant à cheval contre l'armée du roi perse Darius. La posture est bien différente, mais aussi son visage. Il faut dire que le buste d'Alexandre, découvert par Azzara, a subi les outrages du temps. On sait maintenant qu'il s'agit d'une copie romaine du 1er siècle de notre ère, d'après un original de Lysippe, sculpteur officiel d'Alexandre de son vivant, c'est-à-dire au 4e siècle avant notre ère. Une copie assez médiocre d'ailleurs, qui avait déjà subi plusieurs restaurations sauvages au moment de sa découverte au XVIIIe siècle. Son visage retouché et l'érosion de la pierre contribuent peut-être aussi à l'air un peu fané qu'on lui reproche alors, en contradiction avec l'imaginaire flamboyant qui auréolait sa mémoire jusque-là. Autant d'éléments qui inspirent à Maurice Barrès l'hypothèse d'un vainqueur rassasié et peut-être désabusé. Autrement dit, un conquérant blasé par trop de victoires qui ne sait plus ranimer sa curiosité du monde et sa libido guerrière. Le buste est offert à Napoléon par son découvreur qui en fait don à son tour au Louvre en 1803 où il se trouve encore aujourd'hui. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Esther Valencic avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, direction l'Égypte pour une petite tranche de Rosette.